65 jours pour percer. J-300 spatiale, tu reconnais le grade. Économie parallèle, parallélogramme. 5 ans passés sur le terrain, le cul entre deux bancs. 8 à 17, la school et jusqu'à tard le soir je vends. Ma Air Max dans la bouche du rap, l'autre sur une savonnette. J'suis le talent censuré de la Buscatep, j'suis trop net. On m'a J-N-O-S, t'as pas tout de suite, ça sent le boycott. S'en bat les couilles, il kiffe. Le mouvement me branle, boy. Clic, clac, j'ai moi 300. Le rap de ses talons aiguilles. 300 jours pour la séduire. Sinon, c'est cuit. J'attends le jour où c'est elle qui me dira ma bulle, c'est bon, baisson. En GAV, j'm'appelle Itchy. Je sais dire que téléphone maison. Jamais sauté un mec. Ma vie, c'est un casse-tête. J'parle à ceux qui me comprennent. Les autres sont des races d'être. Comme dire à des mots pour voir les étoiles retomber dans les pommes. Hein. Ne dis pas qu'on se ressemble. On a que les transports en commun. Spartiate, spartiate. La rue, elle me tente. Elle roule du cul et du pédo. Spartiate, spartiate. Économie souterraine, Air Max dans le ghetto. Spartiate, spartiate. La rue, elle me tente, elle roule du cul et du pédo. Spartiate, spartiate. Le rap, j'l'ai croisé tout à l'heure, ça j'emmène au télo. Le rap est né dans le Bronx, il est dead dans le 16. 1, 2, 3, 4 sons, ceux qui bavent on les baise. Higo, si t'as trahi, coupe le son et va te pendre. On vit pas dans le même monde, S.O.L. au pas de bande. Fidélité mon frère, on crèvera dans le même film. À poil mes frères deal, cherche mec dans le textile. En Ile-de-France, le bain de minuit, ça se passe dans la baignoire. Je n'oublie rien si je prends une balle, trou de mémoire. La vérité elle peut pas me faire mal, je la connais déjà. Et si j'ai mal depuis tout ce temps, je limite les dégâts. Un jour j'aimerais une femme, pour l'instant je baisse des gamines. Dans la nuit toutes les schnecks sont noires, je fais trembler la cabine. À ce qui paraît tu me connais pas, il est temps de te mettre à la page. Tu cherches des histoires, crois pas qu'on va tourner la page. La vie c'est un créneau, tu braques et tu tranches, tourne le volant. Bientôt la France légalise la BR, François Hollande. Spartiate, spartiate. La rue elle me tente, elle roule du cul et du pédo. Spartiate, spartiate. Économie souterraine, Air Max dans le ghetto. Spartiate, spartiate. La rue elle me tente, elle roule du cul et du pédo. Spartiate, spartiate. Le rap j'l'ai croisé tout à l'heure, ça j'emmène au télo. Jours.